Kapulusu ikavano vanoti Yesu kakazelami Yesu Yesu ka Yesu kaka Yesu ka Kanzolele Yesu ka wakakako Bonangina himbela Yesu, Yesu, Yesu ka Yesu kaka, Yesu kaka Bolele Yesu ka wakakako Bonangina himbela Yesu, Yesu, ka. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, avec foi et dans l'humilité, nous nous approchons de ton trône, convaincus que toi, Dieu, tu existes. Ton nom est le Seigneur Jésus-Christ, le nom qui possède le salut, le seul nom par qui nous pouvons être sauvés, être exaucés, être délivré, être protégé, être secouru, et recevoir des miracles, des merveilles innombrables. C'est par ce seul nom de Jésus-Christ que nous aimons et que nous adorons, devant lequel nous nous humilions, appelant sur la scène pour communier avec nous et nous apporter le salut. Tu as promis que c'est de l'Éternel qu'Israël récite un salut éternel. Voici le temps où nous cherchons ta face, convaincu que tu es Dieu qui sort et tu es le seul Dieu qui sort, et nous voulons palper cela, Seigneur, expérimenter cela pendant que l'occasion est là. Alors que tu nous invites encore, que tu traites avec nos cœurs, tu nous conduis, laisse-nous recevoir l'occasion, recevoir ta grâce à Jésus. Au nom de Jésus-Christ, parle à chacun, brise notre iniquité, brise notre incrédulité, brise la froideur et la tiédeur, mais la chaleur du Saint-Esprit, l'amour de la parole, si chaud pour toi. Exauce nos prières et relève ceux qui somnolent. Réveille-nous du sommeil. Et ta puissance nous anime encore. Et ta puissance nous utilise pour ton programme, ton destin, pour ton plan merveilleux. Nous voici, Seigneur, à ton service. Utilise-nous comme bon serviteur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 1 et 2. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Bongoawa et Jalibiso, Kosalana, Ye Moussala, Tokobunde Rabino Eti, Boyam Bangoluna Zambi Pambate, Oeti Alubieti, Natango Ebongi, Nayokiyo, Pe Namokoluna Kubika, Nasungiyo, Talatango Ebongi, Jalisa Saipi, Talamokoluna Kubika, Jalisa Saipi. Hébreux chapitre 2, verset 1 à 4. C'est C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Romains chapitre 11, versets 22 à 26. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage, selon sa nature, et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, et seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sage. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Pala boboto mpo makasi na Nzambe, makasi epai na baoyo bakwende boboto na Nzambe epai na yo. Soko okoumela kati na boboto yango, soko te yo te okokatama, baoyo mosusu lokola, soko baumelaki kati na tembe na bango te, bakotiama mpo ete Nzambe ajali na nguya na kotia bango lisusu. Nzambe bakati yo longwa na nzete na Elaya na Zamba. Yango lolenge na kubotama na yo. Pe batiyo na Elaya na mboka, oye lolenge na yo penza te. Bongo, ikoleka na malamu boni, soko bakotisi bitape na Elaya na mboka kati na Elaya na lolenge na yango penza. Bandeko, nalingite tebo zanga kososo la likambo libombami awa. Bongo, Bomi kumi sampona mayele na bino mpenza te. Matasi na motema ekweli ndambo na esalele kino motuya mobimba na bapadalo bakoyengela. Pe bongo esalele mobimba bakobisa pela moko ekomami ete mosikoli akobima na Siona akolongola mabe na Yakobo. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Bonsoir, au nom merveilleux de Jésus-Christ. Nous souhaitons à chaque âme bienvenue à la présence de Dieu. Nous poursuivons la prédication de l'évangile. C'est l'évangile du salut. Il annonce le salut. Et il conduit au salut. Et il veut produire le salut. Et tout ce qu'il entend de le croire. C'est l'évangile du salut. Que Dieu nous envoie gratuitement. Ni de notre argent, ni de notre or, ni de nous avoir Il est notre standing social. Dieu l'envoie à toute âme. C'est un salut qu'il a vraiment décidé. Dieu l'a voulu. Dieu l'a décrété. Dieu l'a planifié. Et le voici prêché parmi nous. Et ce salut décidé par Dieu est un salut réel. Un salut effectif. Un salut durable. Il vient de Dieu proclamé sous forme d'évangile. Quiconque croit en lui reçoive ce salut, expérimente ce salut, il soit sauvé. N'est-ce pas vrai? Le Seigneur l'a ordonné à ses disciples. Dans le préliminaire de l'évangile, vous savez, dans Marc au chapitre 16, la parole est dit sans embâche. Marc chapitre 16, le verset 15 et 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà l'ordre du Seigneur pour prêcher l'évangile. Et cet évangile comporte en son sein le salut. La promesse que Dieu fait. La véritable parole que lui-même délivre, que lui-même proclame, et c'est en elle que nous devons croire. Et c'est la vérité. Quand ceux-ci sont allés pour la première fois, ils ont son groupe, et ils ont prêché ce même évangile ordonné de Dieu. Nous trouvons ici dans Actes des Apôtres chapitre 2. La parole dit ceci. Verset 14. Alors Pierre se présentant avec les 11. Voyez? Pierre et son groupe. Pierre se présentant avec les 11 et éleva la voix et leur parle en ces termes. Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Na bino yose basangi na Yerusalemu, sika eke likambo oyo oyebana na bino, Et quand il va se mettre à parler, il est pour il a prêché à ce groupe de gens. Ceux qui se sont attroupés là. Il a prêché l'évangile. Ordonné par Jésus-Christ. Et les gens qui étaient avec lui. En contradiction avec Pierre. Ils ne se posaient pas à Pierre. Ils ne croyaient pas autre chose. Mais ils étaient avec lui. Soutenaient le même évangile. Croyaient la même parole. Il y a le même Saint-Esprit. Il y a reçu de Jésus-Christ. Il faut en être de même jusqu'à maintenant. Ce n'est pas au travers des contradictions. Il dit Peter. Et le groupe exclu d'église. Et les qui sont sur le plateau de Dieu. Le salut nous sera donné. Et c'est à travers la pure parole. Précieux fidèlement. Ce que Dieu envoie le faire. C'est par ce moyen seul que nous aurons accès. Tu dis amen. Oui. Pierre s'est présenté avec les onze. Et il leur a demandé de prêter oreille à ses paroles. Les paroles dont il s'est approprié là. Ce n'était pas les paroles toutes naturelles de Pierre. Mais c'était les paroles lointaines du Seigneur. L'impact de cela démontre. Plus tard, toujours dans Acte 2, vers la fin de sa prédication. Il dit au verset 29. Oh mon frère, qu'il me soit permis de vous dire librement aux yeux du patriarche David. Il est mort et qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. C'est Pierre qui dit, il dit qu'il me soit permis de dire. Donc, c'est pas parce que c'était ses paroles toutes naturelles. Et donc, il raconte sa vie. Mais c'est pas le cas. C'est la parole lointaine du Seigneur. C'est la parole lointaine du Seigneur. C'est la parole lointaine du Seigneur. C'est la parole lointaine du Seigneur. C'est la parole lointaine du Seigneur. Et alors, il dit ceci, plus bas, verset 36, que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. C'est comme si c'est un homme qui parlait. Mais il demande à toute la maison d'Israël de les savoir avec certitude. Et ne pas douter de cette connaissance. Et ne pas douter de cette vérité-là. Vérité proclamée par l'évangile que vous avez prêché. L'évangile sans contredire par les onze autres apôtres. Vous êtes avec la même parole. Verset 37. Après avoir entendu ces discours, voilà l'impact. Ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Oh mon frère, que ferons-nous ?» Vous voyez, pour qu'un cœur humain en arrive là, il faut une puissance surnaturelle dans les paroles naturelles. Un homme a parlé, c'est pas un homme qui discourait. Il a même dit qu'il me soit permis de vous dire. Comme s'il demandait la permission aux humains. C'est ce qu'il avait dit. Et là, je vais partir. Écoutez mes paroles. Arrêtez au revoir. À la fin du discours. Ceux qui ont entendu se sont subitement sentis perdus. Au point qu'ils ne savaient Qu'est-ce que c'est? C'était des hommes et des femmes. Messieurs et dames. Responsables de bénir de différents coins. Les gens qui avaient leur programme. Qui savaient d'où ils venaient. Ils savaient où ils allaient. Ils savaient où ils se trouvaient. Ils étaient à Jérusalem. Venus pour la fête de Jésus. Ils sont là-bas. Ils ont rencontré les discours de Pierre. Mais contrairement à ce qu'ils étaient habitués, ils ont entendu quelque chose qui a impacté autrement les gens. On n'a pas vu une pareille réaction dans les synagogues des Juifs. On a raconté des choses, lisez les paroles écrites, lisez les commentaires. Là, une fois, on a entendu des gens répliquer comme ça. Donc, tout était la routine là-bas. C'était du formalisme bien fabriqué. Que tout le monde maîtrise, même les petits enfants. Et avec après un tel soir passé, Alors que ces messieurs et dames, ils connaissaient d'où ils venaient, ils connaissaient leur adresse familiale, ils connaissaient leur adresse familiale, ils connaissaient le lieu où ils s'étaient nés. Mais ils disent quoi, ils disent, qu'est-ce que nous? Autrement dit, qu'est-ce que nous pour être sauvés? Nous réalisons que malgré notre religion, malgré les années que nous comptons en tant que défilé ici à Jérusalem, malgré les assurances reçues des grands rabbins, les grands enseignants de la loi de Moïse, malgré leur grande maîtrise de la loi, et nous avons entendu parmi eux les docteurs de la loi, avec maîtrise de pas mais malgré tout ça, nous réalisons que nous ne sommes pas sauvés. Alors vous là qui nous prêchez, vous n'avez pas de titre académique spécial. Non pas maître, non pas directeur, ou grand chef, frère, nous reconnaissons en vous être des frères. Vous êtes comme nous à vous voir. Mais les choses que votre bouche vient de proclamer. Homme frère. Pourquoi homme frère le plus alors que c'est Pierre qui parlait? Il Pierre qui a prêché? Il Pierre qui a tenu le discours? La réaction de la foule? Homme frère! Plus rien! Pierre! Ils les ont reconnus ensemble. Ils les ont reconnus Pierre aux côtés des 11 apôtres. Ils ont reconnu les 11 apôtres comme faisant bloc. Ils ont compris que ce que Pierre prêchait, il n'y a pas eu de contrarié. Il n'y a pas eu d'interruption. Quelqu'un n'a pas levé les doigts pour le faire. Je vais dire, Pierre, attends un moment. Là, tu n'as pas bien Et Pierre prend la parole au nom du groupe. Donc André n'a pas profité pour dire, vous me donnerez l'occasion de dire au Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Ce n'est pas que Pierre Jean ignorait tout. Vous allez pour Yohann et Aïda Chikou, ma maman, ma soeur, ma soeur, ma Et dans les autres, vous avez fait un côté à côté. Vous n'avez pas de matière, c'est moi qui ai dit. Et dans la tête, vous avez fait un côté à côté. Vous savez l'onction. Vous avez parlé des merveilles de Dieu. Vous avez parlé des merveilles de Dieu. Vous avez parlé des merveilles de Dieu. Vous avez parlé des merveilles de Dieu. Vous avez parlé des merveilles de Dieu. Vous avez parlé des merveilles de Dieu est un Dieu d'ordre. Et quand la question a été posée, tout le monde est mort précipité pour répondre. Comme le Saint-Esprit utilisait la bouche, il a dit la bouche de Pierre. Regardez cette harmonie-là. Elle est dans l'église déjà. Et c'est Pierre qui va répondre. Au nom de tout le groupe, et là, sans contredit, la prédication du salut de Dieu. Aux anciennes familles, après avoir entendu ce discours, verset 37, il est sur le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Oh mon frère, que ferons-nous ?» Pierre leur dit, voyez ça? Tous les autres dans la soumission. Tous les autres dans l'ordre. Tous les autres dans le calme. C'était le véritable Saint-Esprit qui remplissait les humains pour la première fois. Il a dit ainsi, au commencement, il doit en être de même maintenant. Celui que nous recevons est le même, il agira de la même manière. Pas de désordre. Là où il y a l'église, il se nous voulons l'ordre de la parole. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Alléluia! C'est l'exacte vérité! Nous vivons par cette parole. Amen, amen. Les auditeurs voient cette harmonie. Et ils vivent la prédication de l'évangile. Comme jamais auparavant. Oh! Quel coup est-ce entre les croyants? Il n'y avait pas de doctrine contre les croyants. L'un qui se lève pour remettre un homme plus que Jésus. Et l'autre qui se lève là-bas pour aller sur les pétales. Il n'y avait pas toutes ces folies-là. Il y avait la parole et l'esprit de vérité. Et les gens étaient face à ça. Il n'y avait pas de vilainies. Il n'y avait pas de vilainies. Des Amériques. Il n'y avait pas ces histoires. Il y avait le pire évangile dans sa vie. Il n'y avait pas de choix. Les saints vont s'élever pour dire, Le plus grand. Et commencer des discussions autour de ça. Par ceux qui ont la maladie, de demander des questions oiseuses et stériles. Et c'est plutôt le pire évangile. Et nous aimons ça dans la restauration. Nous avons promis de restaurer. Et nous avons droit de revivre la maladie. Il dit amen à la vérité. Pierre leur dit ça. Et puis il ajoute au verset 39. Car la promesse est pour vous, et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et puis il a fait, et ce grand nombre qui est mentionné, ce grand nombre qui n'est pas dévoilé, de ce grand nombre, je vous assure, Dieu le connaît. Nous tous conscients, selon l'esprit de la parole, quand les saints entreront, lorsque les saints entreront, Seigneur, vous êtes de ce nombre. Lorsque les saints entreront, quand les saints de Dieu entreront, les jours-là, lorsque les saints entreront, Seigneur, je veux être de ce nombre. Lorsque les saints entreront. Et c'est un nombre qui nous est inconnu. La Bible dit c'est un grand nombre. Et Frère Nam dit qu'en Dieu, une personne est une majorité. En Dieu, une personne est une multitude. Parce que son esprit, c'est l'esprit d'Elohim. L'esprit qui justifie en tout. Vous voyez donc que quand Dieu peut prendre une personne entre ses mains, il rachète des livres complètement. L'esprit qui est utilisé par lui, l'esprit d'Elohim, cette seule personne, n'importe quoi qu'il peut faire, d'innombrables miracles et merveilles. Et l'ordre humainement être fait par une multitude. Dieu peut faire ça par un canal. Des choses que l'on dirait que naturellement une personne ne peut pas faire. Mais par Dieu, une seule personne peut réaliser tout ça. Parce que l'esprit qui animera la personne, c'est un esprit limité. L'esprit borné. C'est l'esprit d'Elohim. L'esprit du tout-suffisant. L'esprit illimité. Qui est infiniment grand. Béni soit le nom du Seigneur. Il a utilisé Paul dans ce sens. Et Paul lui seul a travaillé plus que tous les 12 apôtres. Christ, par le seul canal de Paul, a fait plus que n'a fait par les 12 apôtres. Qui dit amen à la vérité? 1 Corinthiens chapitre 15, vous le savez. Verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ici dans Actes des Apôtres chapitre 19, l'on dit ceci au verset 11, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Des miracles extraordinaires. Au-delà de ce qui était ordinaire et habituel. Par les mains de ce seul instrument, Paul. Dieu, l'Esprit d'Elohim, vous comprenez? En Dieu, une personne est une multitude. Par un seul, Dieu peut faire plus grand et plus nombreux. Il est capable de le faire. Et nous avons confiance en cela. Il l'a fait au temps de Paul. Et ici encore, quand nous rentrons dans Romains, au chapitre 15e, et Paul, il rappelle encore cette vérité. Romains 15, verset 18. Car je n'oserais pas mentionner une chose si Christ ne l'avait pas faite par moi, pour amener les païens à l'obéissance, par la parole et par les actes, par la puissance du miracle et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'à Lyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Dieu est souverain dans sa manière d'agir. Il peut utiliser n'importe qui. Qui se soumettra à lui. Et cela selon son plan d'Israël. Et par ce seul canal, Dieu peut faire une multitude d'actions, d'interventions, d'interventions. Dieu peut tout. Mais pour ce qui est de ceux qui doivent être sauvés, c'est un certain nombre que Dieu connaît. Dans Acte 2, on a lu que ce sera un aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Mais ce nombre est connu de Dieu. C'est un nombre fixe et précis. Quand il sera complet, total, alors plus personne ne sera sauvé. Maintenant, de ce nombre-là, ici parmi nous les gens des nations, il en reste encore. Ni vous ni moi, personne ne le sait. Qui se cite le dernier de ces nombres-là venait déjà d'entrer. À travers le monde actuel. Qui sait? Qui va vous le dire? Parce que quand la dernière créature prévue pour entrer dans l'arche était en train, on n'avait pas sonné la trompette. Noé n'avait pas mis ça au micro. C'est passé dans la simplicité. Dieu lui a ordonné simplement de fermer l'arche. Et Dieu est venu récupérer la clé dans le calme. La dernière créature qui devait entrer était finalement entrée. Si c'était un canard, si c'était un mouton, si c'était une volaille, peut-être un perdrix, ou peut-être un crocodile, ou un lion, ou une lionne. Nous ne savons pas. Même la Bible que nous lisons ne le dit pas précisément. Le nom du dernier animal qui était en fait. À ce que je fasse aussi, frère Branham n'en a pas parlé. Non, ben, n'a pas donné le nom du dernier animal qui était en train de faire. Parce que tous entraient en couple. Et le dernier couple est entré. Le dernier s'appelle comment? Je ne sais pas. Pour vous qui voulez tout connaître. Il y a de ces choses qui sont ici. Mais parce que ce n'est pas essentiel au salut. Je veux dire, connaître les noms de ces derniers animaux, est-ce que c'est ce qui va vous sauver? Oui, si vous ne connaissez pas ça, vous serez perdu. Ce n'est pas une question sanitaire. C'est ainsi que Dieu a laissé sa compta. C'est le capital pour votre salut. C'est que la parole révèle. C'est si quoi elle insiste. Et vous serez sauvés. Mais n'allez pas chercher midi à 14h. Ne cherchez jamais des choses compliquées pour vous. Moi, je dois aller faire un jeûne de 7 jours. Pour connaître le nom du dernier couple, c'était que l'esprit fait. Il est entré dans l'arche de Noé. Et une fois qu'il te découvre ça, tu dis, oh! Alléluia! Alléluia. C'est ça. Là, Dieu révèle les secrets. Ça va servir à quoi? Quand tu vas les savoir, ça t'amènera. Ça m'amène dans les profondeurs de Dieu. Et puis après. Est-ce que c'est ta condition de salut? Est-il sauvé? Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous l'avez reçu? Vous voulez chercher des choses qui ne servent absolument à rien. Peut-être à la gloire personnelle. Pour que lui, on me connaît. La Bible dit que la connaissance enfle. Mais l'amour édifie. Entre la connaissance et l'amour, que voulez-vous? Moi, j'ai choisi l'amour. Pas juste la connaissance pour connaître. Mais j'ai besoin de l'amour pour atteindre la perfection. Que Dieu fasse grâce à celui qui entend. Pour distinguer l'essentiel de ce qui est. Les choses qui sont essentielles au salut, ces choses-là doivent être répétées. Elles doivent être gardées. Elles doivent être conservées. Nous l'avons lu ici dans Hébreux chapitre 2. Le tout premier verset. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Et ces choses auxquelles nous devons nous attacher, ce sont des choses salutaires que Dieu a incluses dans la proclamation de l'Évangile. Que Dieu a révélé clairement dans la prédication de l'Évangile. Nous devons nous attacher à ça. Pas chercher les choses trop inconnues afin d'avoir la connaissance pour la connaissance. Mais ce que Dieu veut de nos âmes est qu'elles soient sauvées. Comme nous l'avons dit dimanche, nous le répétons, reçois le salut maintenant, et recevoir le salut, et avec les choses qui vont avec, les choses qui sont salutaires, Distinguons l'essentiel d'avoir les choses accessoires. Ne négligez pas le salut. Mais cherchez d'abord le salut de vos enfants. D'abord ça. L'essentiel de ça. La Bible a dit, travaillez à cause de votre salut. Avec crainte et tremblement. N'entrons jamais dans les discussions folles et profanes. Les thématiques de généalogie et les histoires compliquées. Recherchons le salut de nos âmes. Cherchons l'assurance de notre salut de nos âmes. Est-ce que vous voulez bien entendre ça? Reçois le salut de Dieu maintenant. Sans tarder. Ne tarde pas dans le temps. Ne tarde pas dans les futilités. Ne tarde pas dans les distractions. Et l'esprit vers l'essentiel. Si on doit pour objectif l'essentiel. Ce qui est nécessaire au salut. Donne importance à ça. Donnons priorité à ça d'abord. C'est pourquoi nous devons, c'est une obligation, nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Un si grand salut. Pour un si grand nombre de gens que Dieu appellera. Un nombre que Dieu connaît. Mais comment un humain s'arrêtera-t-il à échapper au châtiment divin, à la punition de Dieu, après avoir négligé un si grand salut? La question est là. Comment échapperons-nous? Comment échapperas-tu? Le salut est proposé sur ton chemin. Le salut de Dieu, il les balance sur ton chemin. Le salut de Dieu, il se l'annonce par l'évangile. Il y insiste que tu as entendu. Après avoir entendu, tu dois considérer. Tu dois passer à l'action. Tu dois mettre les sérieux. Non pas continuer dans la négligence. Ne pas persévérer dans les distractions. Alors quand la punition viendra, tu ne t'échapperas pas. C'est un si grand salut. Hein, dont Dieu a privé d'abord à Israël. Hein, le peuple qui s'appelle de son nom. C'est un si grand salut dont Dieu a privé d'abord à Israël. Alors qu'il traite avec Israël en tant que nation et qu'il continue à lui priver jusqu'à maintenant, à cette époque du temps de la fin où le peuple d'Israël est appelé hors des nations, mais Dieu les garde encore aveugles. Mais il donne ce salut à toi. Salut annoncé d'abord par le Seigneur de la Bible. Lui-même est venu nous annoncer ça. Dans Jean 3, verset 16. Il a dit que car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu veut sauver le monde entier. Dieu veut sauver le monde entier. Il veut sauver tout le monde. Il est disposé, il envoie la parole. Il ne veut pas que quelqu'un périsse. Il veut que chacun de ceux qui croient soit sauvé. Mais ne demeure pas dans l'incrédulité pour le moment. Ne subsiste pas dans l'incrédulité. Fais le choix sérieux et conséquent. Fais le choix de Je te supplie. Na bonde lio. Il vient un temps où ça ne sera plus possible. Mais c'est un si grand salut. C'est un salut si important. Que Dieu te propose. Ce jour-là, dans Jean 3, verset 18. Dieu, quand il a envoyé son fils dans le monde, ce n'était pas pour que le monde soit jugé par lui. C'était pour que le monde soit sauvé par lui. Il a décidé d'envoyer son fils pour que le monde soit sauvé par son fils. Comprenez à quel point Dieu y met l'importance. Son fils unique était l'empreinte de sa propre personne. Était le reflet de sa gloire. Il était l'image visible du Dieu invisible. Mais Dieu a sacrifié son fils là pour te donner à toi le salut. Par là, c'est un salut si important. C'est un salut si grand. Comprenez mes amis. Et il en a privé le peuple d'Israël après le son nom. Il en a donné à quelques-uns. Mais Dieu t'a mis toi en priorité. Toi qui étais le dernier, toi l'homme des nations, toi la femme des nations, toi sorti d'une race d'incrédules, Dieu t'a donné la primeur. Parce qu'il a dit que les derniers seront les premiers. Et les premiers seront les derniers. Nous là, les gens des nations, nous les derniers, les déconsidérés, les ignorés, dans les alliances et les promesses de Dieu, nous n'avions pas de cité en Israël sans identifier parmi les femmes. Nous là les ignorés, mais Dieu nous a mis au premier rang. Dieu nous a valorisés. Dieu nous a considérés. Louange à Jésus-Christ. Gloire à son Saint-Nom. La grâce qu'il nous a donnée n'est pas vaine. Elle a contenu mes amis. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu réalises ça? Quand tu chantes grâce et ton nom, pour son qui sauva un vil comme moi, un vilain comme moi, grâce merveilleuse, grâce étonnante, grâce surprenante. Quel doux son. Voilà, j'étais perdu. Mais maintenant retrouvé. J'étais aveugle. Mais maintenant je vois. Car Dieu a décidé de m'ouvrir les yeux pendant qu'il a gardé Israël aveugle. Peuple qui s'appelle du nom de l'Éternel. Seul le peuple, donc que le peuple naturel, qui s'appelle du nom de l'Éternel, on appelle le peuple de l'Éternel, peuple de Jéhovah. Il les a aveuglés, il leur a privé son salut, pour privilégier d'abord, toi l'homme des nations. Est-ce que tu comprends le sérieux de cette grâce. Corinthiens 6, verset 1, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne point recevoir la grâce de Dieu en vain. Ne prenez pas ça comme une vanité. N'en faites pas un jeu. Une blague. Une mise en scène. Attention monsieur. Attention madame. Ce salut qui nous est proposé. Est un si grand salut. Il est si valorant, si important. Mais il est placé sur ton chemin. Parce que tu es qui? Parce que tu viens d'où? Parce que tu as quelle origine? Tu as appartenu à quoi? Parce que tu lui as donné quoi? Un si grand salut. Dieu a donné un si grand salut. Ne prenez pas ça à la légère. Mais de toute votre âme, travaillez pour ce salut. Avec crainte et tremblement. Que celui qui a les oreilles entende vraiment. Et comme a dit Frère Brenham, si vous ne vous êtes jamais senti perdu, vous ne pourrez jamais apprécier la valeur de Dieu. La grave maladie de plusieurs c'est là. Quand on parle de la perdition, quand on parle de l'enfer, il pense que c'est une blague. Quand on parle d'un jugement de feu, quelles sont les expériences qui viennent de lui? Dans ton parcours sur terre. Expérience salutaire. Les expériences salutaires. Ne venez pas me parler des témoignages d'argent. Et des problèmes de garantie locative que vous avez trouvé. Vous en avez ici qu'on là, nous avons appris sur Mongo, ce qu'on aux Mongo garantit. Et c'est ça qu'ils sont. Les patrons du monde n'ont-ils pas ça? Même sans Dieu, n'ont-ils pas ça? Les troubles ne sont pas du secours dans les détresses financières. N'ont-ils pas des fois de meilleurs emplois? Grâce aux relations liées. N'ont-ils pas de promotion au travail? Monsieur le Famille, je parle ici des expériences salutaires. Peux-tu en dénombrer combien de la part de Dieu? Tu peux en compter combien que tu as reçu de la part de Dieu qui te rassure, qui t'indique de plus en plus que Dieu est en train de te conduire au ciel. Il est en train de t'amener pas à pas vers le ciel. Il ne te détourne pas à pas. De la prison des pécheurs. De la prison des impies. Disons que Dieu ne te connaît pas. Dieu le sauveur ne te connaît pas. Peut-être que Dieu le miraculeux. Dieu bon qui peut pleuvoir sur les gens. Dieu bon là. Il y a la pluie sur les gens. Qui envoie son soleil, peut-être que celui-là, il te connaît, ou pas tu le connais. C'est le Dieu de tout le monde, quoi. Le Dieu de tout le monde, il fait ça ton Dieu. Que même les pétitions peuvent, à qui ils peuvent aussi dire. Mais jamais moquer la malam, à Tinimbula, comme on est comme ça. Est-ce que ma pétition est bâton à Gazambete? Est-ce que ma loupagate est sans ouvrir sa bâtisse et ma protection à bâton? Liwana yo, kakazambé na koukat. Namo tu n'as pas si au bâton à yo. Mais ya yo liwa, ndokite, nagakisite, kakazambé ne, ni l'obasouk. C'est comme ça qu'il rassure ceux qui se confient à eux. Parce que ça va finir la bataille. Il parle quand même d'un Dieu bon. Il y a aussi le dernier mot plus que les autres. Alors ce Dieu de tout le monde là, il semble être maintenant finalement. Je me demande qu'est-ce qui te distingue avec les païens. Le Dieu dont témoigne aussi est dingue. L'âme est dingue à tâte la cantine à la yé. Et dont les chimagistes te parlent. Mais c'est quoi ton nom? Bah, tu n'as pas de bambou à l'obé la tétanie sans bambou. Quand on prend sur la balance des expériences. Tango va jouer à l'épine de la mabiki. Typiquement similaire. Wana, beaucoup pas les pénzards. Rien de différent. Rien de différent. Rien de différent. Rien de distingue d'avec l'intérieur. Mon ami. Moniga. Dieu le sauveur, alors ne te connaît pas encore. Zambé, mabiki si aïe bioté, Moniga. Et toi-même, tu ne connais pas encore le Dieu sauveur. Oui, dit-il, Zambé, mabiki si aïe bioté. Tu ne connais pas. Tu ne le connais pas. Aïe bioté, vous ne vous connaissez pas. Oui, vanité. Voilà pourquoi plusieurs, après avoir fréquenté les églises, ils iront en enfer. Et d'autres personnes, comme dit frère Branham, à cause des affaires de mariage, plusieurs iront en enfer. À cause des affaires de mariage. Mais quand on en parle, les gens mettent la légèreté. Mais si là, je l'aime beaucoup, ça n'arrive pas. Mais vraiment, il a beaucoup marqué ma vie. Je ne saurais plus me séparer de lui. C'est un élisée, l'on a eu. Au poni, y'a moko. Sakana, l'obigo. Sakana. Dieu te propose un si grand salut. Il vient faire des dissolutions de la parole. Il dit n'importe quoi. Pensant que Dieu est ton grand-père. Il va te faire comme ça. Ne négligeons pas un si grand salut. Le monde pas le but de la parole interdit. Tout ce que la parole a pas. Car cette parole que nous entendons, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Des juifs premièrement, puis des grecs. Êtes-vous là? Dans Philippiens, chapitre 3, verset 1, au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Que ce soit prêché. Que ce soit écrit. La parole originale qui répète la même vérité. Ne prenons jamais cela à la légère. C'est salutaire. Le salut annoncé par le Seigneur d'abord est confirmé ensuite par ceux qui l'ont entendu. Ceux qui ont reçu mandat de sa part. Et à qui il a parlé. Il a insisté sur le même salut. Alors, toi, homme, femme, ne néglige pas ça. Qu'est-ce que que si tu négliges, sache que tu n'échapperas pas. Et pour de combiner des mariages, aller faire des arrangements de mariage, sache que tu peux hypothéquer le salut de Dieu. Savez-vous que Frère Branham dit qu'un chrétien va épouser un non-croyant, il est péché de la race? Un croyant qui part épouser un non-croyant. Toi, tu te lèves, tu vas épouser un dénominationnel. Ou un dénominationnel. Tu es péché de la grâce de Dieu. Mais comment les gens peuvent s'y prendre avec légèreté comme ça, aborder ces questions-là? Allez, vous en avez qui se retire du chemin de la grâce. Les allez pour l'ombre là, c'est là le type. La grâce par laquelle nous sommes sommés. Tu te montres une poule mouillée. Les allez pour l'ombre là, c'est ça pour l'ombre là. Incapable de décider. Les allez pour l'ombre là, c'est ça pour l'ombre là. Et de t'assumer. Maintenant, tu veux t'appeler frère. Tu veux t'appeler frère. Les allez pour l'ombre là, c'est ça. Où est-ce que tu veux? Les carbonies ne vont tirer maintenant comment faire une affaire. Ah ouais, aux opposants de l'île, c'est le clair. Dans les affaires de ta vie, tu prends des décisions contraires à la parole. Contraires à la parole salutaire. Mais tu veux toujours rétablir les frères. Vous me demandez pourquoi. Je me demande pourquoi. Dieu voit ta vie. Toi qui m'entends, ton homme. Toi qui m'entends. Dieu voit tout ce que tu dis. Je vais te dire en secret. Innocent. Les bandes qu'on a, par relation, ramification. La téléphone, on va suivre la vie. Des messages d'amour, des problèmes, des soucis. Tu continues toujours à garder. Parce que tu prends plaisir. Oui, tu vas le faire. Ça ne te repose pas. Je ne peux pas mélanger. Je ne peux pas mélanger. Je ne peux pas mélanger. Je ne peux pas mélanger. Quand tu gardes les filles à ma sexualité, parce que tu crois que par elle, tu iras aussi. C'est d'elle que dépend son salut. Bien aimé, tout ce qui est faux, nous devons nous séparer. Tout ce qui est condamnable, chassons les autres. Tout ce qui est faux, Dieu veut nous utiliser. Je n'entends pas les meilleurs amens ici. Parce que vous voulez garder l'hypocrisie. Comme si c'était une qualité. Un pied dedans, un pied dehors. L'hypocrisie. Elle est condamnable. Jésus l'a condamné chez les pharisiens. Nous la condamnons dans les mondes entiers. Qui que tu sois, ton hypocrisie est coupable. Qui que tu sois, ton hypocrisie est condamnable. Elle est inadmissible. Et inacceptable. L'hypocrisie doit être vomie. Nous ne pouvons ni collaborer avec ça. Ni tolérer ça. Et nous sommes croyants. Pratiquons la parole. Amen. Voilà la chose. Voilà la chose. Ah, là, les tambours. Et si nous pratiquons la parole, elle nous conduira à l'expérience. De la parole salutaire. À l'expérience du salut. Ephésiens chapitre 1, nous dit encore ceci. En lui, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. On dit ça à des païens. Alors, des gens d'entre les nations. Bah, c'est le privilège. On a dit tomba dini. Bino po da o boyeki malobana solo. Yango sano balamu na potuka na bino. Pebo siri kondima ye. Kati na ye. Et pourquoi ce privilège nous est parvenu à nous les jeunes d'entendre l'évangile de notre salut. L'évangile salutaire par lequel nous serons et nous sommes sauvés. Évangile par lequel nous sommes et nous serons sauvés. Et Dieu te le fait entendre. Toi qui n'avais pas d'identité en Israël. Dans le peuple de Dieu. Tu n'avais ni part ni lot. Mais Dieu t'a valorisé. Dieu t'a priorisé. Il t'a mis en priorité. Il t'a servi avant la nation juive. Oh mes chers amis. Écoutez ce que dit Frère Branham. Comme on a lu ici dans Romains 11, verset 25. Voyez ce qu'il avait dit. Je ne veux pas que vous ignorez ce mystère. Parce une partie d'Israël est tombée dans l'indécision. Jusqu'à ce que la totalité des païens soit. La totalité des païens. C'est-à-dire le grand nombre là, tout ceux-là qui doivent avoir accès au Saint-Esprit. Un nombre que Dieu connaît et maîtrise. Tout ceux-là doivent entrer en totalité. Voilà pourquoi quand l'évangile retournera aux Juifs, il faut que quelqu'un de la chose soit encore sauvé. Parce que le temps sera fini. La grâce de Dieu parmi eux sera terminée. Nous l'avons entendu dimanche. Et nous y revenons pour insister. Que toi n'attends pas jusqu'à ce moment. Dans le sermon les 6 bits de la visite de Gabriel à Daniel. Prêché le 30 juillet 1960. Je prends le paragraphe 43 à 47. Et dit, tant que Dieu n'a pas fini avec les gentils, Israël est aveuglé. Quel principe? Tant que Dieu n'a pas fini avec les gentils, Israël est aveuglé. Même toi qui m'entends maintenant, qui est parmi les privilégiés, Israël est retourné dans sa patrie. Au 20e siècle, c'est pas vrai? Depuis 1948, ils sont redevenus une nation. Et c'est autour des années 1960 que leur souveraineté a commencé à s'affirmer. Ils sont venus avoir leur propre monnaie. 12 ans après être devenus une nation. Ils n'avaient pas encore d'autonomie monétaire. Donc les attributs d'une nation se sont ajoutés peu à peu. Mais au plan spirituel, ce peuple-là que Dieu a ramené là-bas, devait encore avoir. Les nations sont encore sur la terre. Parce que Dieu privilégie d'abord les gens d'entre les nations. Les nations non juives. Et cela est conforme à une prophétie écrite dans cette même Bible ici. Dans Ésaïe au chapitre 43. Il a dit. Ésaïe 43. Le Seigneur dit ceci. Verset 4 à 8. Allez, parce que tu as dépris à mes yeux, Dieu parle à Israël. Parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Si vous voulez vous rassurer s'il s'agit vraiment d'Israël, vous pouvez remonter le verset 1. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Mais ça, ça est bien, le Bible. Yé oyo a sali yo. Oya kobo. Yé oyo a tendaki yo. Oyo salele, yé te bangate. Pote ngayi na sikoli yo. Na tiangi yo, na kongo na yo. Ojali, na ngayi. Alors, verset 5. Ne crains rien quand je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race. Et je te rassemblerai de l'Occident. Dieu est avec eux là. Mais il les garde aveugles jusqu'à présent. Dieu les a rassemblés de l'Occident. Il les a amenés de l'Orient. Ils sont devenus une nation par la terre. Le plus vieux drapeau du monde, le drapeau de David, qui avait flotté depuis 2500 ans. Jérusalem est de nouveau la capitale d'Israël. Dieu est en train de rebâtir cette nation. Il est avec lui. Mais il garde avec le spirituel. Qui ne voit pas l'évangile des salles. Qui n'entend pas ces choses qu'on a. Il ne peut pas en jouir ni s'y réjouir. À cause de vous et de nous. Il les garde avec le jusqu'à présent. Jusque ce soir, je vous dis qu'il vous dit. Jusque ce soir. Mes chers amis. Comprenez bien ça. Quelle valeur Dieu te donne. Et ce salut qui est si important, et si grand, Dieu les en a privés. En tant que nation, pour te donner d'abord à toi. Et il est patient à ton égard. Ne voulant pas qu'aucun périsse. Ne voulant que tous parviennent à la repentance. Et à la connaissance de la vérité. Et patient. Tes bêtises, Dieu supporte. Tes folies, Dieu supporte. Tes transgressions volontaires et sa parole, tous les... Dieu supporte. Parce qu'il sait que tu n'as pas encore compris la valeur de ce salut. Et à Golgotha, il avait prié les deux mains étendues. Pardonne-le. Quand ils savent pas ce qu'ils font. C'est ça ta condition. Et un salut si important que tu n'en connais pas la valeur. Si tu prends avec légèreté, avec trop de négligence, mais la Bible a dit, tu n'échapperas pas. Si tu arrives à rater ce salut, quand le temps sera épuisé, Dieu ne pourra plus sauver. Quand la totalité des gens des nations sera entrée, et que toi tu n'auras pas eu accès à ce salut, alors sache que tu n'échapperas pas. Ton châtiment sera sévère. Tu endureras durement. Dieu dit ceci. Je dirai au septentrion, donne. Et il a dit, le septentrion a renvoyé. Les enfants d'Israël, ils sont rentrés chez eux. Alors, ceux qui étaient au nord. C'est le verset 6. Et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils de pays lointain et mes filles de l'extrémité de la terre. C'est déjà accompli. Écoutez, tous ceux qui s'appellent de mon nom, je vous ai dit, Israël, c'est le seul peuple naturel qui est appelé du nom de Dieu. Qui avait été choisi comme peuple de Dieu. C'est pas le peuple congolais, ni rwandais, ni tanzanais. Ni tout. C'est le peuple d'Israël. Qui danse que tout le peuple de la terre s'appelle du nom de Jéhovah. Mais malgré tout ça, peuple à cause de toi et moi, jusqu'à présent, vraiment, il est garde aveugle. Ah, et que j'ai créé pour ma gloire, que je formais et que je fais. Alors, quand j'insiste que les gardes aveugles, c'est je tire ça du verset 8. Nous arrivons enfin. Qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux. Et les sourds qui ont des oreilles. Même si la nation juive venait s'associer à nous ici au tabernacle, pour écouter les mêmes évangiles que vous, même si c'est qu'on était sur place, c'est pour qu'on nous donne la prédication de la nation. Ils seront sourds à ce qu'ils entendront d'ici. Ils seront aveugles à ce que Dieu fait. Comprenez à quel point Dieu nous a mis en priorité. Alors si quelqu'un vient vous raconter que les deux serviteurs qui vont aller prêcher à Israël, ce n'est pas qu'il y aura un Moïse, mais c'est Joseph Branham et... Vous voyez la sorcellerie pour des gens. Et pour ça, là, moi, c'est que Branham, là, dit-il, vous ne voyez pas la fin. Vous ne voyez pas la fin. Il y a des gens qui croient ça comme ça. Au Branham, ça veut dire que là-bas. Bah, tu vois, là, quand tu vas le dire, là, quand tu vas le dire, que les deux témoins, prêchés à Israël, ce sont les deux fils du prophète Branham. Donc Joseph Branham, Joseph et Branham et Billy Paul. Et Billy Paul. Mais c'est un mensonge démoniaque. Si vous dites la vérité, frère, ce n'est pas parce que ça sortit de Branham que nous allons trembler. Dieu nous a appelés à l'amour de la vérité. Tout mensonge, nous qu'il vienne, sera dévoué. Nous ferons honte à ses géniteurs, à ses promoteurs. Ils ne nous feront rien. Parce qu'ils n'ont pas un ciel où nous appelons. Il n'y a qu'un seul ciel où il doit amener à les racheter. Et là où Jésus-Christ est entré comme précurseur. La Bible témoigne de ça. Il y est entré comme précurseur. Nous préparer une place là-bas. C'est là où nous irons. Hein? Nous sommes d'accord? Alors ne soyez jamais complexés. Les gens qui développent des mensonges sont des fermes. Et ils veulent aveugler les croyants et les détourner de l'objectif du salut de Dieu. Parce que la Bible a dit que tous ceux qui n'auront pas aimé la vérité recevront une puissance d'égarement. Croire au mensonge est... Voilà, quand on dit, mais alors, ça, c'est la poisson. Ne croyez à aucun mensonge. On dit, mais alors, ça, mon côté. Ne croyez que la vérité est de Dieu. Les deux témoins viendront effectivement. Ce n'est pas Joseph Branham. Ni Billy Paul Branham. Ils n'ont rien, même d'attrait, ni de ressemblance. De proximité. Ce sont des gens des nations. Bah, Dieu ne peut pas les envoyer à Israël. Vous entendez sur les bandes de Dieu. Ils prétendent parler de fausses croyances. Les bandes ont dit que n'envoie ses prophètes qu'à leur peuple. Je me demandais si Élie, l'homme là, Élie, qui avait l'esprit d'Élie, le même homme qui ira à Israël, la réponse était non, non. Dieu envoie les gens, les messagers, à leur propre peuple. Il envoie les juifs aux juifs, il envoie les nations aux nations. Pas d'amalgame, pas de conflit. Maintenant regardez, que l'on fasse sortir le peuple aveugle, mais qui a des yeux. Donc quand vous regardez les enfants d'Israël là-bas, ils ont des yeux fixes. Mais Dieu a prévu qu'ils soient aveugles. Même au moment de leur sortie. À cause de qui? À cause de toi et de moi. Comment ne pas valoriser ce salut? Comment ne pas s'y adonner entièrement? Un grand salut. Pourquoi le négliger? Romains 11 nous rappelle ceci. Voyez là. Romains chapitre 11. Il nous rappelle cette vérité que nous connaissons. Verset 19. À vers 5. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu circonstances par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Amen. Parce que c'est comme ça que l'imbécile du tape, de la tournée, à pour l'imbécile de la tournée. Tu n'échapperas pas si tu négliges ça. Alors, la parole répète encore à ton cœur, reçois le salut de Dieu maintenant. Cherche l'assurance de ce salut. Et c'est une expérience que Dieu donne. Oh, si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Et c'est comme ça que du tape, de la tournée, à commun de sa yoté. Qu'on se le dise, qu'on se le rappelle. Il faut que quelqu'un entende et prenne ça au sérieux. Il t'épargnera pas non plus. Même le peuple appelé de son nom, il va subir tout ce qu'il veut subir pendant les siècles. Alors, quand sera-t-il de toi? Bois sec par nature. Repêché par grâce. Mais une faveur non méritée. Où finiras-tu? Voyez! Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, tu seras aussi retranché. Tu es averti sérieusement. Eux-mêmes, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés. Car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Y a-t-il quelqu'un parmi nous pour douter de la puissance de Dieu? La capacité de Dieu de greffer de nouveau Israël. Il les a sortis des quatre extrémités de la terre. 43. De l'Orient, de l'Occident, et du Sud. Il avait dit, je dirai au septentrion, donne. Et je dirai au midi, ne retiens plus. Quand vous avez vu le mouvement d'Israélites, Dieu a eu à parler dans le vide. Il n'a pas utilisé un prophète. Mais il a parlé à l'Orient. Il a parlé au Sud. Il a parlé à l'Occident. Il a parlé de manière surnaturelle. Tous les fils d'Israël qui étaient appelés d'Israël, ils étaient retenus des années, des décennies là-bas, ont été forcés à retourner à Jérusalem. Dieu a parlé mystiquement. Et les effets, vous les avez vus. Le peuple est là. Dieu, il est souverain. Il faut pas penser que en dehors de la bouche d'un prophète, Dieu ne peut pas parler. Mais Dieu, il a sa bouche, je vous ai dit. Autant d'Élie. Est-ce que tout ce que Dieu avait à dire, il ne devait le dire que par Élie? Quand il a parlé au corbeille, Élie était-il là? Est-ce qu'il le savait même? Mais c'est Dieu qui, après l'avoir fait, Quand on parle de l'exclusivité d'écouter le messager, malgré l'âge donné, il pense alors que le messager c'est Dieu. Loin de là. Le messager n'est pas Dieu. Dieu est Dieu. Et il est le Dieu du messager. Êtes-vous là? Ne faites pas de confusion. Alors, Dieu avait prévu ici de parler. L'âme a donc sacré qu'on a parlé au nord. Kuna na likolo. Et il l'a fait. Ça salaki ango. Et quand il l'a fait? Ça salaki ango. Notre prophète Jéta, je n'étais même pas là. Moussa kuna likolo ça salaki kutu anaki. Il ne nous a pas rapporté le jour où Dieu a dit ça. Amen. Il nous a fait mon exemple avec ango. Ni les témoignages que j'étais présent. Tous les chats, tous les qui n'ont salaki ango. Mais Dieu l'a fait et les effets se sont produits pendant qu'il était vivant. L'âme a donc sacré ango. Il a continué son œuvre. Évangélique. L'être d'un évangéliste. Pendant qu'il le faisait, Dieu a parlé aux quatre extrémités. À son insu. Et quand lui a vu les signes, il est allé à la terre pour aller à l'église. Les signes qui étaient les effets de ce que Dieu avait déjà parlé. Qui étaient les effets provenant de ce que Dieu avait parlé au nord, à l'Occident, à l'Orient. C'est ce que les enfants d'Israël sont retournés. Branham a vu ça. Il a vu c'est l'église. C'est le de la gloire à Dieu. Dieu, il est le Seigneur de l'univers. Il ne peut être emprisonné par personne. Êtes-vous là? Par personne. Il fait tout ce qu'il veut. Alors, il est puissant pour greffer de nouveau la nation. N'en doutez pas. Et il peut le greffer à tout moment. Le dernier message que Dieu nous a donné. La dernière occasion d'être sauvé. Il court le monde depuis 1950. 2022. 1933. 12 ou moins 3, vous avez 9. Vous avez 9. Là, vous avez 11, ici 9 va s'annuler, 11 moins 3, vous avez 8, 89 ans. Beaucoup moins de Maliba, Nabibou. Depuis que ce message a été lancé, il totalise aujourd'hui 89 ans. Et là, n'est-ce pas une génération complète? Voilà, les amis, il est pour le Maliba, ah, 89 ans. Imaginez. Et le Seigneur a dit, cette génération ne passera pas. Que tout cela ne soit arrivé. La venue du Fils de l'homme. L'enlèvement de l'Église. Doit s'accomplir. Mais cette génération ne passera pas. Y a-t-il encore sur la terre des gens nés en 1933? Y a-t-il encore sur la terre? Je veux dire, y a-t-il sur la terre des gens qui ont plus de 89 ans? Il y en a pas tout valiki, mais bon, ils vivent encore. Mais ils ne vont pas complètement s'achever. C'est loin une considération. Tant que ces événements ne se produisent, ils ne seront pas exterminés de la terre. Alors, ils sont devenus rares. Nombreux. Ceux qui avoisinent les 89 ans, 85 ans, 90, 100 ans, Tukuliboa, Mokama, Batuaba, 92 ans, Bazoko Pemikolo, Tukuliboa Nami Bale, Bazoko Pemotomo, 94 ans, Tukuliboa Nami, Bouta Gizenga, Antoine Gizenga, ici au Congo. Ah, on a vu le nom de Il y a les Katini Bou, Tukuliboa. Donc, quand il y a eu 1933, il a fait sa bannière en Afrique, bien sûr. Il était déjà né sur terre. Aujourd'hui, il est mort. Il a fait beaucoup. Ayant plus de 90 ans. Il sait que le Seigneur a envoyé le message. Donc, il y avait des gens qui étaient vivants. Qui ont vécu ça peut-être à distance. D'autres l'ont vécu en live. À la rivière Ouayo. Mais cette génération ne doit pas passer. Il est pour les quatre. Mais dans une autre considération, la génération sur le peuple d'Israël, la race d'Israël qui a été reconstituée là-bas à Jérusalem comme nation, elle ne sera pas exterminée. Elle ne sera jamais anéantie tant que tous ces événements promis ne soient pas. Là, c'est un autre angle de considération, un peu le plus profond, le plus stable d'ailleurs. Sachez que même si on veut jeter Israël à la mer, ça ne réussira jamais. Car tous ces événements prévus doivent s'accomplir. Et ils auront leur part. Il dit, Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Verset 24. Si toi tu as été coupé de l'olivier sauvage, selon ta nature, selon sa nature, et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier. Gambi bakati olongo na nzete na elaya na zamba, yango lulenge na kubota manayo, te batiyo na elaya na mboka, oyo lulenge na yo pintati, bongo ekoleka na malamu koni, soko bakotisi bitape na elaya na mboka, car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens, ce grand nombre que Dieu connaît, soit en paix. Makasi na motema ekoli ndambo na italele kino motuya mobimba na bapagano bakoyingela. Dieu n'a pas fini avec la nation. Comme dit frère Branham, où nous le venons maintenant. Tant que Dieu n'a pas fini avec les gentils, Israël est aveuglé. Ça va demeurer comme ça jusqu'à ce que le dernier entre. Le dernier d'entre les nations. C'est ce nombre-là que Dieu connaît. Notre prière, notre chanson, c'est d'être de ce nombre-là. De figurer dedans. Que Dieu nous fasse grâce. Parce que Dieu n'a pas fini avec les gentils, Israël est aveugle. S'ils ont sombré dans le péché et les transgressé contre Dieu, c'est parce que Dieu a aveuglé leurs yeux pour que nous puissions être greffés. Saisissez-vous cela? Le verset 26 maintenant. Israël sera sauvé. Commentez. Dieu les a aveuglés à dessein. Pour vous et pour moi. Ils ne peuvent pas voir. Parce que Dieu les a aveuglés. Et tout Israël, le vrai Israël sera sauvé. Sera au futur, mais pas maintenant. D'abord, toi, l'homme des nations. Et toi, l'église des nations qui va être sauvée. Qu'est-ce qu'a dit l'ange? Moi, j'ai le Toi, pour faire cesser les transgressions d'Israël. J'ai annoncé qu'il viendra un temps où les transgressions d'Israël cesseront. Dieu retranchera la branche sauvage. Et il greffera de nouveau la vraie branche. Ici, Branham prêche comme Paul. Voilà la même vérité biblique qui revient. Oh, parfois mon cœur tressaille de voir ces pauvres gens malheureux qui ont été retranchés, qui ne savent pas où ils vont, et de penser que Dieu dans sa miséricorde a fait ça pour que moi je puisse être sauvé. En pensant à ça, mon cœur tressaille déjà. Il est aveuglé, il est aveuglé les yeux à leur propre Messie. Et il a fermé les oreilles pour qu'il ne l'entende pas. Et jusqu'à présent, les deux conditions surlignées, les nécessités spirituelles, les deux conditions biblistes, approche de vous et moi. Les alliés pour nous, il veut mettre dans ce nombre de la totalité des païens. Et toi tu négliges, tu te distrais, tu te retournes dans la couverture. Et tu as dit que ces couvertures léopard, ça coûte un bon prix. Quels sont les royaumes de Dieu? Il a fermé les oreilles pour qu'il ne l'entende pas. Et pourtant il voyait bien ce miracle. Et il voyait bien ce miracle. Et les choses qu'il faisait. Et dans Matthieu chapitre 12. Au chapitre 8 ou 12. Il a dit, malgré tant de miracles que Jésus avait fait, il ne pouvait pas croire. Et pourquoi dans cette condition-là? Parce que Dieu les avait aveuglés. Et endurcis. Dieu lui-même pour nous donner l'occasion. La valeur qu'il vous donne. Rendez-lui la pièce de sa monnaie. Vous avez une grande valeur. Vous ne lui payez pas monnaie de singe. Rendez-lui l'appareil. C'est de la gratitude élémentaire. En effet, Dieu avait dit, ils ont des yeux et ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Donc il a endurci leur entendement, il a aveuglé les yeux. De peur qu'ils ne voient leurs yeux et qu'ils n'entendent leurs oreilles et que je les convertisse. Et jusqu'au temps de la fin, maintenant encore, vous devez pointer Isaïe 43, verset 8. Qu'on fasse sortir le peuple aveugle. Qu'on fasse sortir le peuple sourd, mais qui a des oreilles. Jusqu'à maintenant, frère. Parce que Dieu veut te sauver, toi. Ne néglige pas ainsi grand ça. Ne néglige pas s'il te plaît. Recherchons le royaume de Dieu. Il a dit, mais pour nous donner une occasion, il a voilé les yeux de ses propres enfants. Il a écarté ses propres enfants de la table et les a voués au dépérissement de l'esprit. Pour que nous puissions avoir l'occasion de vivre. Pour nous donner la vie. Vous voyez? Reprenons le verset 26. Et ainsi tout Israël sera sauvé. C'est lui qui l'est écrit. Le libérateur viendra de Sion. Et il épousera de Jacob les impiétés. Oui. Il viendra sur le mont Sion. Un de ces jours. Sur le mont des Oliviers. Ils le reconnaîtront. Et tout Israël saura que c'est lui. Nous disons amen à la vérité. Jésus-Christ là, le même Messie auquel ils étaient avec lui, il viendra sur le mont Sion. Un de ces jours. Il viendra sur les monts des Oliviers. La montagne des Oliviers. Dont nous avons parlé ici il y a quelques jours. Il viendra là-bas. Et ils le reconnaîtront. Et tout Israël saura que c'est lui. Et à ce moment-là, ce sera fini pour ceux des nations. Cette branche qui a été greffée, Dieu en prendra le fruit récolté. Voilà. Et c'est dans l'enlèvement. Et puis Jésus viendra sur la montagne des Sion, sur la montagne des Oliviers, et tout Israël reconnaîtra que c'est lui. Les yeux s'ouvriront enfin. Amen. Dans les cinquièmes sceaux, le même passage de Romains 11, verset 25 a été lu. Et le commentaire vient au paragraphe 225. Cinquième sceau, prêché le 22 mars 1963, paragraphe 225. Non, je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sage. Voilà. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'annexion jusqu'à ce que l'accomplissement, la totalité des païens soit en fait. Voyez, commentaire. Jusqu'à ce que le dernier de l'épouse des nations soit en terre. Ils demeureront dans cet endurcissement-là. Les oreilles bouchées, les yeux aveuglés. Jusqu'à ce que le dernier de l'épouse des nations soit en terre. Vous comprenez pourquoi à la réponse, à la question de dimanche, après que l'église soit enlevée, y aura-t-il quelqu'un de l'église qui sera sauvé? Non. Quand l'église est enlevée, c'est fini. Parce que le temps des nations et la totalité des païens est enlevée déjà. La totalité qui était prévue est finie. Là, Dieu va se tourner vers les Juifs. Et leur envoyer les deux témoins, les deux rois. Jusqu'à ce que le dernier de l'épouse de la nation soit ancré. C'est pour ça qu'Israël est tombé dans l'endurcissement. Voyez ça? Jusqu'à ce que le dernier de l'épouse des nations soit ancré. Peut-être que ce sera toi. Alors pourquoi tu traînes? Peut-être que ce sera toi ce dernier-là. De l'épouse des nations. Que Dieu l'attend que toi. Que tu reçoives le Saint-Esprit. Pour boucler la boucle. De l'épouse des nations. C'est toi ma soeur. Et pourquoi tu traînes à recevoir le Saint-Esprit? Peut-être que toi mon frère. Mais que toi tu l'auras reçu. Dieu va fermer. Peut-être qu'il n'attend que toi. Mais tu le feras attendre jusqu'à toi. Il est sûr qu'il n'attendra pas indéfiniment. Il a un temps marqué pour sa venue et l'enlèvement. C'est un jour qu'il connaît, c'est une heure qu'il connaît. Ça nous rapproche comme on l'a dit dimanche. Ne pensez pas que vous aurez toujours le temps et l'occasion. Un jour ça va sonner. Et pendant que tu avais voulu t'accorder la chance, la grâce d'être sauvé, tu auras tellement négligé jusqu'à déborder les limites du temps prévu. Alors ce ne sera plus la faute de Dieu. Dieu dira, le salut je t'ai annoncé, je te le présente par le message, mais tu n'as pas pris ça au sérieux. Tu as négligé. Et donc, le châtiment viendra et tu n'échapperas pas. Tu seras puni très très bien. Que Dieu vous bénisse. Lève-nous pour la prière. Toi, ma portion éternelle, plus que ni au laver, pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi, auprès de toi, près de toi, près de toi, près de toi. Pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi, auprès de toi, près de toi, près de toi, auprès de toi. Pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi. Ma prière ne sera jamais pour les plaisirs de ce monde. Oui, je souffrirai avec joie, laisse-moi marcher avec toi, auprès de toi, près de toi, près de toi, auprès de toi. Oui, je souffrirai avec joie, laisse-moi marcher avec toi, guide-moi dans la vallée d'ombre et celui de la vie. Pour ce temps, la vie éternelle en criant vers toi, Seigneur, auprès de toi, près de toi, auprès de toi, auprès de toi. Puisse-t-on la vie éternelle en criant vers toi, Seigneur. Il te sera accordé le temps de prier. Je me faisant jusqu'à domicile. Parle avec Dieu, cherchant le salut. Maintenant, je vais clôturer. Dieu Tout-Puissant, notre Père. Nous te remercions au nom de Jésus-Christ pour la bonne nouvelle qui nous a été offerte. L'évangile du salut. En lui, il y a les choses nécessaires pour le salut de nos âmes. Nous te prions de nous pardonner tout comportement négligent, tout comportement paresseux, toute attitude condamnable, toute transgression de ta parole. Pardonne-nous l'hypocrisie. Pardonne-nous l'être du littéraire. Nous avons besoin de ton secours pour expérimenter les stades, pour apprécier la valeur des stades, pour nous repentir bibliquement, pour revenir à Dieu avec le cœur déchiré, pour chercher la face de Dieu avec les larmes. Oh, miséricordieux Père, et ta bonté touche nos cœurs, comme tu fais le cœur comme un chemin, afin que nous soyons de la cohésion, dans l'unité de l'esprit, l'harmonie et l'ordre divin. Pour la proclamation de l'évangile, que chacun soit à sa place, que son église soit restaurée, rétablie dans cette vraie vie, la puissance et la bonne volonté, qui opérera des miracles comme notre monde, qui est souverain pour utiliser la bonne volonté, nous appelons sur la terre, entend les cris des saints, entend la soif de nos cœurs, viens l'étancher et nous secourir, au nom de Jésus-Christ. Le miraculeux, le surnaturel, le merveilleux, le véritable. Nous prions ainsi. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Et que Dieu vous bénisse. Amen.